Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 87. Des dîmes. Pourquoi l'on peut être obligé de donner la dîme? Matière de la dîme. À qui elle est due? Les ecclésiastiques y sont-ils tenus? 1. Y a-t-il un précepte de payer les dîmes? Que le peuple pourvoie aux besoins des ministres du culte qui se consacrent aux intérêts de son salut, la raison naturelle le prescrit, comme elle ordonne de pourvoir à l'entretien des princes, des magistrats, des soldats et de tous ceux qui se vouent au bien général. L'apôtre lui-même s'est servi de cet argument, qui jamais, dit-il, fit la guerre à ses dépens. Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas de son fruit? 1 Corinthiens 9, 7. Notre Seigneur a dit dans le même sens, l'ouvrier mérite sa récompense. Matthieu 10, 10. Quelle est la quantité de bien que les fidèles doivent consacrer à l'entretien des ministres du culte divin? Le droit naturel se tait à cet égard. La loi mosaïque fixa ce point pour les Hébreux. L'Église, ne voulant pas que les ministres de la loi nouvelle, malgré la supériorité de leur dignité, reçussent plus que ceux de l'ancienne alliance, a emprunté aux Hébreux le précepte judiciaire de la dîme. Mais elle reste toujours maîtresse de modifier une telle contribution selon l'opportunité des temps et des personnes. Note. C'est ce qu'elle a fait pour la France, où cette question n'a maintenant aucune application. Fin de la note. 2. Est-on tenu de donner la dîme de toute chose? Le principe sur lequel repose l'obligation des dîmes est que l'on doit récompenser par des biens temporels les ministres de l'Église, dont on reçoit les biens spirituels, conformément à cette parole de l'apôtre. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grande chose que nous recueillions un peu de vos biens temporels? 1 Corinthiens 9, 11. Or tout ce que l'homme possède est compris dans les biens temporels, donc il est tenu de payer la dîme de toute chose. Parmi les chrétiens dispersés dans le monde entier, plusieurs, n'ayant pas de possession territoriale, vivent de leur commerce et de leur industrie. S'ils ne payaient point la dîme des biens qu'ils acquièrent, ils ne contribueraient point à l'entretien des ministres. Aussi le droit canon, répétant une phrase de saint Augustin, a dit « Paie la dîme du service militaire, de ton négoce et de ton art. » 3. Les dîmes ne doivent-elles être données qu'aux prêtres? Le droit de recevoir les dîmes repose sur ce principe, que les ministres de Dieu doivent vivre de leur ministère, et que des biens temporels sont dus à ceux qui sèment les biens spirituels. Un tel principe ne pouvant s'appliquer qu'aux prêtres qui ont charge d'âmes, eux seuls ont le droit de percevoir les dîmes. Toutefois, ces sortes de biens temporels sont susceptibles de tomber entre les mains des laïcs, et notamment des pauvres, car ils sont donnés aux prêtres, pour eux et pour les indigents. Note. Ceux qui ont blâmé l'usage des dîmes n'ont pas assez considéré ce double but qui a porté l'Église à les sanctionner, par elle, les pauvres, aussi bien que les ministres de l'Église, étaient assurés de leur subsistance. Fin de la note. 4. Les prêtres sont-ils tenus de payer la dîme? Les prêtres, qui reçoivent des dîmes des fidèles parce qu'ils sont ministres du sanctuaire, ne sont pas tenus de payer la dîme à raison des biens mêmes de l'Église, mais ils peuvent y être obligés pour les propriétés particulières dont ils jouissent par succession, par achat ou de quelque autre façon semblable. Note. Encore une fois, les différentes solutions de toutes ces questions n'ont aucune application en France, Nous les avons rapportées à titre de renseignement sur les usages anciens. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.